façon de le faire plus souvent. Mathieu, c'est la deuxième fois que je vous surprends à vous animer sans moi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Stéphanie, je te le laisse. Bon, ben, voilà qui règle notre problème. Assemblage requis maintenant avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis, mais sans Jean-Philippe Charbonneau. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Toute ressemblance à des personnages ou des situations réelles est purement fortuite. Jean-Philippe fait toujours partie de l'équipe et qu'on réanime les palmarès, c'est fou cette année. Fou de découverte. 89.1. Bonsoir et bienvenue à l'émission Rock de Neurones pour 2 heures de rock progressif. Mon nom est Jimmy Farley pour la mise en onde et la recherche musicale et je serai avec vous jusqu'à 22 heures. Ce soir, nous avons à l'émission 10 pièces qui sont en général assez longues. On commence on fait un tour d'horizon avec Alternative Four d'Angleterre, The Former Life d'Italie, Phoenix Again d'Italie, Fish d'Angleterre, Beyond Risk de Norvège, Front des bus de Pologne, Oceanic Legion, multinationale dans le sens que c'est un mix de argentin et suédois. On a Argos d'Allemagne, Cottebell d'Espagne et Enstersende Neubauten de l'Allemagne. Alors, on débute l'émission avec un groupe britannique, Alternative Four, qui ont une discographie assez récente, en fait. Depuis 2011, ils ont indiqué deux fois The Brink en 2011 et The Obscurance en 2014. Alors, c'est à partir de cet album-là, qui vient tout juste de paraître, qu'on va entendre la pièce Chilling Effects. Alors, voici Alternative Four. Tried, taught, insincere. keep the keys to the car, keep the sheep from the door. No smoke, no fire. No smoke, no fire. No smoke, no fire. No smoke, no fire. Will the judgment bells ring, when the cold whistle blows, and then you reap what we disclose. Alors, c'était le groupe britannique Alternative 4 avec la pièce Chilling Effects. Et c'est extrait du plus récent album The Obscurants qui vient de sortir il y a quelques semaines. On continue avec un groupe italien du nom de The Former Life qui sont assez nouveaux dans la scène du rock progressif italien. Ils ont un album à leur actif. Je sais qu'ils sont en préparation d'un deuxième. Leur premier album, Electric Stillness, est paru en 2011. Et on va entendre la pièce A Milligram of Joy. Alors voici The Former Life d'Italie. chasing your traces day by day. A milligram of joy is what remains of you. I've gone straight into the source of day. Yeah. Alors, c'était le groupe italien The Former Life avec la pièce A Milligram of Joy. Il s'est tiré de l'album Electric Stillness, le seul album du groupe qui est paru en 2011. Le groupe est en préparation d'un deuxième album. On surveille ça de près et puis on va se faire un honneur de le présenter, bien que ça sorte. On enchaîne avec un autre groupe italien, Phoenix Again, qui eux aussi ont une discographie assez récente. On parle de 2011 et 2014 dans le cas de Phoenix Again. Par contre, on sait que c'est un groupe qui œuvre depuis 81, donc une trentaine d'années avant d'en disquer. Alors, ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite du dernier album qui est paru cet été. L'album s'intitule « Lookout ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est Winter. Alors voici Phoenix Again d'Italie. We'll be right back. venez d'entendre le groupe italien Phoenix Again avec la pièce Winter, et c'est tiré du dernier album qui vient tout juste de paraître, Lookout. Alors après la pause, Fish, Björn Riis et Frondibus. Fou de sensationnel. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou, 89.1. Il était une fois le carnaval étudiant où des psycho-éducateurs royaux paradaient aux côtés de vaillants chevaliers de l'histoire quand soudainement ils furent interrompus par des clowns chimistes se ridiculisant à faire une blague pour une bière, deux bières, trois bières. Tu aimerais connaître la suite? Viens t'inscrire dès le 24 novembre pour avoir la chance de participer au Carnaval étudiant 2015. Suis-nous également sur Facebook. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est Fou. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Fou de métal. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est Fou 89.1. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à partir du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif. Mon nom est Jimmy Farley et je suis avec vous jusqu'à 22h. Alors, en début de deuxième bloc, on a Fish, le chanteur de la première mouture du groupe Marillion. Fish qui en est rendu à son 11e album studio. Disons que c'est paru il y a quand même presque un an. Il y a presque un an. Alors, on avait fait jouer dans le passé, dans l'émission, plusieurs des pièces de l'album Feast of Consequences. Et il y en a une qui ressortait. Alors, je me fais le plaisir de le faire rejouer. Alors, on va entendre la pièce The Great Untraveling. Voici Fish de Marillion. She tied my laces, sewed the button. Alors, c'était Fish qui nous interprétait The Great on Traveling. C'est extrait de son dernier album, A Feast of Consequences, paru en 2013. On continue avec le guitariste de Airbag, Bjorn Riss, qui vient de faire paraître un album qui est très apprécié par la critique. L'album s'intitule Lullabies in a Car Crash. Et le style du guitariste est assez proche de David Gilmour, célèbre guitariste de Pink Floyd. Alors, on va entendre la pièce Out of Reach et c'est tiré du dernier album qui vient de paraître, Lullabies in a Car Crash. Alors, c'était le guitariste norvégien Bjørn Riis avec la pièce Out of Reach qui est extrait du dernier album qui vient tout juste de sortir, Lullabies in a Car Crash. Alors, l'album est actuellement un coup de cœur de plusieurs critiques sur la scène du rock progressif. Alors, on termine maintenant le deuxième bloc de l'émission avec un groupe polonais du nom de Frondibus. Ils en sont à leur premier album, Leaf Age, qui est sorti à peu près 2 semaines. C'est un duo de guitaristes polonais avec des musiciens de studio de plupart inconnus ici. Et on va entendre tirer de cet album-là la pièce Dryad's Vitality. Alors voici Frondibus de Pologne. On est d'entendre le groupe polonais Frondibus avec la pièce Dryad's Vitality et c'est tiré de l'album Leafage. Après la pause, Oceanic Legion et Argos. Fou de déraisonnable. 89 ans. Vendredi le 12 décembre, 21h30, votre café-bar Le Zénobre reçoit la formation montréalaise Pony, avec en première partie Jet Black. 10$ à la porte. Pour une soirée rock avec Pony, soyez au Zénobre ce vendredi 12 décembre. Le Zénobre, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Vous trouvez que 20 secondes, c'est pas assez? Écoutez les Palmarès, c'est fou, les mercredis de 14h à 17h, en rappel les vendredis 17h et les dimanches à midi. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Écoutez, Mme Poitras, c'est pas facile de vous annoncer ça, j'ai une grosse nouvelle. Votre mari passera pas la nuit. Oh non! Pas mon mari! Non, il passera pas la nuit à l'hôpital, vous pouvez y aller. Oh, désolé, c'est juste pour voir votre face, ça va laisser en pièce. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 8 décembre, venez voir les Oranges et les Bleus s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Fou de merveilleux. 89 ans. Alors, sur les ondes de C'est fou, FM 89.1, à partir du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones pour la dernière heure de rock progressif. Mon nom est Jimmy Farley, je suis avec vous jusqu'à 22h. Alors, dans le début du troisième bloc de l'émission, on va entendre une pièce d'un collectif là, multinational. On parle ici de musiciens qui se sont regroupés pour faire une pièce sur une compilation. Je vais en parler un petit peu plus tard. Les musiciens, on parle ici de musiciens d'Argentine, des États-Unis, de la Finlande et d'Italie. En fait, c'est le regroupement de deux entités, en fait, de Samurai of Prague, avec Steve Unruh, Marco Bernard et Kimo Porsti, et Nexus d'Argentine, avec Lalo Huber et Carlos Lucena. Ils ont fait une pièce qui s'appelle The Sleeping Lover. En fait, c'est une des plusieurs pièces qui ont été commandées par la française Muséa pour faire une compilation qui s'appelle Decameron. Le titre, c'est 10 Days in 100 Novelas Part 2. C'est une compilation de 4 CD. Ça a été précédé par le Part 1 qui est aussi 4 CD. Donc, nous voilà donc avec 8 CD de rock progressif sur 2 ans avec la plupart des pièces inédites. Alors, dans le cas présent, on a, comme je disais tantôt, deux groupes, Nexus d'Argentine et The Samurai of Prague, qui est un surtout de Steve Unruh des États-Unis et Kimo Porsti de Finlande. Alors, ces personnes-là se sont réunies probablement par la magie des ondes sur Internet et ils ont produit The Sleeping Lover, comme je le mentionnais tantôt, qui est extrait de la compilation des Cameron. Alors, voici ce que ça donne. Thank you. Alors, on vient d'entendre Oceanic Legion, qui est une formation combo ou mixte de Nexus d'Argentine et de Samurai of Prague de Finlande. Et ils ont composé cette chanson inédite pour la compilation Decameron et la pièce s'intitule The Sleeping Lover. Alors, on enchaîne avec Argos, qui est un groupe allemand qui ont déjà 4 albums à leur actif. Et, ils ont aussi, je pense, un projet parallèle, certains musiciens, en tout cas, avec le groupe Super Drama, qu'on a déjà entendu à l'émission aussi. Alors, ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite de l'album Cruel Symmetry. C'est la pièce titre. L'album est paru en 2012 et on se quitte pour 20 minutes. Alors, voici Cruel Symmetry d'Argos. Quiet circle and empty square, sharing a relation in frozen time, coupled in this strange geometry, everything has a cruel symmetry, everything. Receiving your information.

a cruel symmetry, everything. But who

Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le groupe allemand Argos avec la pièce titre de l'album Cruel Symmetry. C'est paru en 2012. Après la pause, le groupe espagnol Cotebel et le groupe allemand Einstürzende Neubauten. Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Vendredi le 5 décembre prochain, votre café-bar Le Zénob reçoit la formation du chanteur Jimmy Hunt, Chocolat. En première partie, Corridor. $12 à la porte. Pour une soirée indie tout en français, on sera en Zénob entendre Chocolat ce vendredi 5 décembre, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Quand on sait que 55% des jeunes de 5e secondaire travaillent et que 43% des élèves du secondaire considèrent le travail aussi important que les études, c'est essentiel de trouver le bon équilibre pour les étudiants, mais aussi pour les employeurs. Saviez-vous qu'au-delà de 20 heures de travail par semaine, le risque d'abandon scolaire augmente considérablement? Il existe 5 règles d'or pour favoriser une bonne conciliation études-travail. Pour les découvrir, visitez le soyonscompères.com. Un horaire équilibré, c'est sensé. Coupez votre semaine en deux en écoutant les 40 meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine, sans oublier les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Les palmarès c'est fou avec Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau, les mercredis de 14h à 17h, en rappel les vendredis 17h et les dimanches midi. Salut, c'est Danny Placard, vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Eh oui, c'est fou. Alors, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone pour le dernier bloc de l'émission. On aura deux pièces sans interruption. La première qui est du groupe espagnol Cotebel. C'est un groupe assez actif, en fait, depuis, pardon, depuis 99. Ils ont six albums studio. Et ils ont paru au printemps de 2014 un album live. Qui est en fait, ça s'est passé en Belgique, la convention Progressiste, qui est l'équivalent de notre Terra Incognita ici au Québec. Alors, Cotebel, c'est leur premier album live. Bon, ben, je vais être obligé de passer tout de suite à la diffusion de la pièce parce que j'ai une toux. Alors, Cotebel. Alors, c'était le groupe espagnol Cotobel avec la pièce Adagio Maestoso. C'est tiré de l'album Live at Prog Resist. C'est une convention de rock progressif progressiste qui se passe en Belgique tous les printemps. Alors, on va conclure l'émission avec un peu d'audace. C'est une suggestion de Louis Douville, un groupe allemand du nom de Einstürzen Neubauten. C'est un groupe un peu inclassable. Dans mon cas, je ne connaissais pas ce groupe-là. Pourtant, c'est pas des inconnus pour les amateurs de ce style de rock-là. Ils ont quand même 18 albums à leur actif. Alors, ce qu'on va entendre, c'est tiré de l'album Perpetuum Mobile. C'est paru en 2004, déjà 10 ans. Et on va entendre la pièce titre. Alors, voici Einstürzen Neubauten. Flugzeug. The truck rod. Zugang dazu.